Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 23. De la prédestination. Sa nature, son étendue, ses effets. Liberté humaine, utilité de la prière. 1. Y a-t-il une prédestination pour les hommes? L'apôtre nous dit, ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés. Romains 8:3. Il est donc clair qu'il y a en Dieu prédestination. Montrons d'abord qu'il est de toute convenance que Dieu prédestine les hommes. Nous avons vu que la providence embrasse tous les êtres et qu'elle les coordonne tous à leur fin. Or, il y a deux sortes de fins, auxquelles Dieu les rapporte tous. L'une dépasse leurs proportions naturelles et leurs facultés, telle est la vie éternelle. L'autre ne dépasse pas leur portée, et ils peuvent l'atteindre par leurs facultés propres. Quand un être doit parvenir à la première espèce de fin, à celle qui dépasse ses facultés, et que par son propre essor il ne saurait atteindre, il faut nécessairement qu'il soit conduit par un autre être, comme la flèche est conduite au but par l'archer. Et, puisque l'homme a pour fin la vie éternelle, il faut, en conséquence, qu'il y soit conduit, dirigé, transmis, si l'on peut s'exprimer ainsi, par Dieu même. L'idée de cette transmission doit se trouver en Dieu au même titre que la raison de l'ordre général, que nous avons appelé la providence. Or, dans l'esprit d'un auteur, qu'est-ce que l'idée ou le désir de faire une chose, sinon une sorte de préexistence en lui de la chose elle-même? Voilà pourquoi nous donnons le nom de prédestination à l'idée divine de cette transmission, de cette destination de la créature raisonnable à la vie éternelle, sa fin dernière. La prédestination, comme on le voit, fait partie de la providence. Note. Il est de toute évidence, d'après cela, que les êtres privés de raison ne sont pas prédestinés et qu'ils ne sauraient l'être. La prédestination s'applique aux anges aussi bien qu'aux hommes, quoiqu'ils n'aient jamais été malheureux. Peu importe à la prédestination que celui qui en est l'objet sorte de l'état de misère ou n'en sorte pas. On demandera peut-être pourquoi Dieu ne fait pas connaître aux hommes le bienfait de leur prédestination. Dieu l'a révélé à quelques saints personnages par une grâce spéciale, mais il ne convient pas que cette connaissance soit accordée à tous les hommes, elle enfanterait le désespoir dans les non-prédestinés et le relâchement dans les prédestinés. Fin de la note. 2. La prédestination est-elle dans le prédestiné? La prédestination, qui, selon la définition de saint Augustin, est la préscience que Dieu a de ses bienfaits, n'est pas dans le prédestiné, elle est en Dieu, qui prédestine. La providence est activement dans l'intelligence de l'ordonnateur suprême, il n'y a que par son exercice, appelé le gouvernement du monde, qu'elle se trouve passivement dans les créatures. Il en est ainsi de la prédestination, elle est activement en Dieu par l'idée de l'ordre qui met certaines créatures en rapport avec le salut éternel, et, uniquement pour ce qui concerne son exécution, elle est passivement dans les êtres prédestinés, où elle reçoit le nom de vocation, glorification, conformément à cette parole de saint Paul, ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Romains 8:30. 3. Dieu réprouve-t-il quelques hommes? Voici ce qu'il faut penser au sujet de la réprobation. La providence pouvant laisser quelques défauts dans ce qui lui est soumis, elle permet que quelques hommes n'arrivent pas à la vie éternelle, et c'est ce que l'on appelle réprouver. La réprobation rentre ainsi, non dans la prédestination, mais dans la providence, qui non seulement a prévu, mais a préparé la possibilité de la damnation, car si, d'une part, la prédestination renferme la volonté de conférer la grâce et la vie éternelle, de l'autre, la réprobation renferme la volonté de permettre que quelques hommes tombent dans le péché et soient punis de la damnation éternelle. La réprobation n'est pas au réprouvé ce que la prédestination est au prédestiné. La prédestination est la cause de la gloire et de la grâce que les prédestinés attendent, tandis que la réprobation n'est pas la cause du péché, elle est seulement de l'abandon de Dieu après le péché et de la peine qui suit le péché. Le péché vient du libre arbitre, ainsi que le marque cette parole, « Ta perte, ô Israël, vient de toi. » Osée 13, 9. La réprobation note, en aucune façon, aurait prouvé le pouvoir de faire le bien et d'arriver au salut, quand il tombe librement. Note. Les prédestinatiens rigides prétendaient que, par un décret absolu et antécédent, Dieu prédestine au malheur éternel ceux qui ne sont point prédestinés au ciel. Cette hérésie, renouvelé par Luther et par Calvin, a été condamné. Il est certain que notre Dieu est un Dieu de miséricorde, et que, si jamais il nous réprouve, ce ne sera que parce que nous aurons librement et volontairement abusé des moyens qu'il nous aura fournis pour nous sauver. Fin de la note. 4. Revenons aux prédestinés. Sont-ils élus de Dieu ? L'apôtre nous dit, Dieu nous a élus avant la constitution du monde. Éphésiens 1, 4. Je réponds donc affirmativement, la prédestination de certains hommes à la vie éternelle suppose, en effet, que Dieu veut leur salut, et dès lors elle implique amour et élection. Elle implique amour, car vouloir du bien, c'est aimer. Et Dieu veut au prédestiné le bien de la vie éternelle. Et l'implique élection, puisque Dieu veut ce bien aux uns de préférence aux autres, qu'il ne prédestine pas. L'amour, en Dieu, précède l'élection, parce que c'est son amour même qui produit le bien dans les créatures. L'élection précède, à son tour, la prédestination. Ainsi tous les prédestinés sont élus et aimés. Note. Dieu communique, en général, sa bonté à tous les êtres, mais, pour ce qui est des dons de la grâce et de la gloire éternelle, il ne les accorde pas indistinctement et sans choix. Il veut le salut de tous les hommes, mais il le veut d'une volonté que les théologiens appellent antécédente, et non d'une volonté absolue. Fin de la note. 5. La prévision des mérites est-elle la cause de la prédestination ? Dieu, dit saint Paul, nous a sauvés par sa miséricorde, et non à cause des œuvres de justice que nous avions faites. Tite 3:5. L'hérésie des Pélagiens consistait à soutenir que le commencement des bonnes œuvres est dans l'homme, et que la grâce est une suite de notre préparation. Selon eux, l'effet de la prédestination est appliqué à l'une, et non pas à l'autre, parce que l'un l'a mérité en s'y préparant, tandis que l'autre ne s'y est pas préparé. Cette erreur se réfute par ce principe qu'aucun bien en nous ne mérite les effets de la prédestination, puisque, suivant saint Paul, nous ne sommes pas même capables d'avoir de nous-mêmes une bonne pensée. 2 Corinthiens 3:3. Quelques théologiens ont dit que Dieu donne la grâce lorsqu'il prévoit que l'on en fera un bon usage, et que les mérites sont la cause de la prédestination. Mais on leur répond que ce qui est fait par la grâce provient de la prédestination, à laquelle on ne saurait évidemment assigner pour cause ce qui provient d'elle-même. N'est-il pas clair non seulement ce que le libre arbitre opère par la grâce, mais ce que la grâce opère par le libre arbitre, est un effet de la prédestination? Ils assignent, conséquemment, pour cause à la prédestination ce qui n'est point en dehors d'elle. Nous convenons toutefois que, si l'on considère les effets de la prédestination en particulier, rien n'empêche que l'un ne soit la cause et la raison de l'autre. C'est ainsi que Dieu donne la gloire à celui qui l'a mérité par sa coopération à la grâce, et la grâce pour mériter la gloire. Mission prend la prédestination dans son ensemble, elle n'a d'autre cause que la bonté divine, qui est éternelle. Note. La prédestination à la grâce est due uniquement à la bonté de Dieu, elle est antérieure à la prévision de tout mérite naturel. La prédestination à la gloire n'est pas non plus fondée sur la prévision des mérites humains. Voilà deux points qui ne sont pas sujets à contestation, ils ont été décidés par l'Église. Parmi les théologiens, les uns l'ont pris parti pour la prédestination absolue et antécédente à la prévision de tout mérite surnaturel, ce sont les Augustiniens et les Thomistes. D'autres ont soutenu la prédestination conditionnelle, subséquente à la prévision des mérites, ce sont les Molinistes et les Congruistes. Tous ont admis la gratuité de la prédestination. Il nous semble que l'on pourrait essayer une conciliation entre ces deux opinions par la distinction d'une double prédestination, l'une absolue pour certaines personnes, telles que la Sainte Vierge, Jean-Baptiste, Jérémie, et autres connus de Dieu, puis une prédestination conditionnelle attachée plus spécialement à la coopération à la grâce et à la prévision des mérites surnaturels. Saint Thomas lui-même nous paraît favoriser cette double prédestination dans l'article suivant et dans la question du livre de vie, numéro 24, où il parle de deux voies pour arriver à la vie éternelle, à savoir la prédestination divine et les mérites vivifiés par la grâce. Pourquoi Dieu prédestine-t-il celui-ci et non pas celui-là? Telle est sa volonté. Dans un édifice, pourquoi telle pierre est-elle ici et non pas là? Parce que l'ouvrier l'a voulu. Il en est de même dans la prédestination. Dieu n'en devait le bienfait à aucun des hommes. Il n'est redevable à qui que ce soit de ses dons gratuits. Ce que l'on donne par grâce, on peut sans injustice l'offrir à qui l'on veut, ce n'est blesser les droits de personne. N'est-ce pas ce que disait le père de famille dans l'Évangile? Prenez ce qui est à vous, et allez, ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux? Matthieu 20, 14. Mon fils, gardez-vous bien de discuter sur les secrets jugements de Dieu, pourquoi l'on est abandonné, tandis que l'autre est arrivé à une si grande grâce, pourquoi celui-ci est si affligé, et celui-là si comblé d'honneur. Tout cela est au-dessus de l'esprit humain, nul raisonnement, nulle dispute n'est capable d'approfondir les jugements de Dieu. Quand donc l'ennemi vous suggère de semblables pensées ou que les hommes vous pressent de questions curieuses, répondez-leur par ces paroles du prophète, « Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont droits. » Et encore, les jugements du Seigneur sont droits et se justifient par eux-mêmes. Imitation de Jésus-Christ, livre 3, chapitre 58. Fin de la note. 6. La prédestination est-elle certaine dans son effet? La prédestination obtient toujours son effet, mais en respectant notre libre arbitre, sans imposer aucune nécessité, la liberté humaine elle-même concourt à en produire les effets. Nous avons vu ailleurs que la Providence, tout en arrivant à ses fins d'une manière infaillible, n'ôte cependant rien à la contingence des choses. Note. Quoi donc? Dire à quelqu'un, ne peut-on pas gagner ou perdre la couronne de gloire? Si la prédestination dispose irrévocablement des couronnes du ciel, pourquoi donc saint Augustin, commentant ces paroles de l'Apocalypse, retenez ce que vous avez, de peur qu'un autre ne reçoive votre couronne, Apocalypse 3:11, disait-il, un autre ne recevrait pas cette couronne, si le premier ne la perdait? Nous répondons que la couronne de justice peut appartenir à un homme de deux manières, d'abord, par la prédestination divine, et, sous ce rapport, on ne peut la perdre, ensuite, par le mérite de la grâce, car ce que nous méritons est à nous, et, sous ce point de vue, on peut la perdre par le péché mortel. Jamais Dieu ne laisse tomber le juste sans relever un pécheur, comme l'insinue cette parole de Job, il en brisera plusieurs. Mais sur leur ruine il en élèvera d'autres, Job 34, 24. Ainsi les hommes ont obtenu la place des anges déchus, et les gentils ont été substitués aux juifs. Fin de la note. 7. Le nombre des prédestinés est-il certain et irrévocablement fixé? Quand l'artisan suprême a construit le monde, il a fixé la mesure de l'univers, il a déterminé les diverses catégories d'êtres et les différentes espèces de choses qui devaient y entrer. Or, parmi les créatures, il a dû placer en première ligne celles qui, comme raisonnables, sont incorruptibles, celles surtout qui, devant jouir de la béatitude, approchent davantage de la fin suprême de tous les êtres, les prédestinés en un mot. Pour Dieu, le nombre des prédestinés est donc certain, comme objet de sa science et comme disposition de sa providence. On ne doit pas dire la même chose du nombre des réprouvés, ceux-ci n'entrent point dans le plan divin comme élément principal. Quel est le nombre des prédestinés? Parmi les théologiens, les uns ont dit qu'il égale le nombre des anges déchus, d'autres, qu'il est le même que celui des anges fidèles, d'autres, qu'il équivaut à celui des anges fidèles et des anges rebelles pris ensemble. Il est plus sage de penser que cela est le secret de Dieu. L'Évangile nous enseigne que le petit nombre des hommes trouve la voie de la vie, il ne faut pas s'en étonner, la béatitude éternelle, surtout depuis le péché originel, dépasse les forces ordinaires de notre nature, et, d'ailleurs, la miséricorde divine brille avec d'autant plus d'éclat dans les élus que la voie de la perdition est plus large et plus suivie par ceux qui obéissent à la nature. 8. Les prières des saints peuvent-elles aider à la prédestination? Isaac pria le Seigneur pour sa femme stérile et le Seigneur, exauçant sa prière, donna à Rebecca la vertu de concevoir un fils, qui fut prédestiné. Genèse 25, 21. Cette prédestination ne se serait pas accomplie si Jacob n'était pas né. Les prières des saints contribuent donc à l'effet de la prédestination. Il faut distinguer dans la prédestination l'acte même qui prédestine et les effets qu'il produit. Quant à l'acte même, les prières des saints ne sont d'aucun secours, elles ne le déterminent pas, puisqu'il est éternel. Quant aux effets, les prières et les bonnes œuvres contribuent certainement au salut du prédestiné en tant qu'elles entrent dans les desseins de Dieu, qui a subordonné le salut des hommes à leurs prières personnelles, aux prières d'autrui, aux bonnes œuvres et à tout ce qui est nécessaire pour obtenir la vie éternelle. Voilà pourquoi saint Pierre écrivait, « Efforcez-vous de plus en plus, mes frères, d'assurer par vos bonnes œuvres votre vocation et votre élection. » Deuxième épître, 1, 10. L'Écriture sainte ne nous recommande-t-elle pas, en mille endroits, d'implorer la miséricorde divine et de pratiquer les bonnes œuvres, ce n'est pas que le Tout-Puissant manque de force pour accomplir ses ouvrages. Il a voulu que nous fussions ses coadjuteurs. 1 Corinthiens 3:9 pour maintenir la beauté de l'univers et pour nous élever à la dignité de cause. Note. Si je suis prédestiné, dites-vous, je n'ai rien à craindre, et moi je réponds que vous devez dire, si je suis prédestiné, cela m'engage à être plus attentif à veiller continuellement sur moi-même. Car si je suis prédestiné, je ne le suis que dépendamment de ce à quoi Dieu a voulu attacher ma prédestination. Or, la foi m'apprend qu'un de ses moyens les plus essentiels est le soin que je prendrai de mon salut. Confère Bourdaloue. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.